Bonjour. Le thème que je vais développer aujourd'hui est Voici l'agneau de Dieu. Et le texte de base utilisé, Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 17. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la loi a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Lorsque je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a rappelé un songe que j'avais eu plusieurs années avant. Et dans ce songe, je suis monté dans un taxi pour me rendre à un endroit, à un lieu. Arrivé à mon lieu de destination, j'ai demandé au chauffeur combien ça coûte, le prix de la course. Et là, voici ce qu'il m'a répondu. Il n'y a rien à payer, ça a été déjà fait. Sur le coup, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Ma réaction, c'était comment? J'aimerais rappeler encore une fois ce que le chauffeur m'a dit. Il n'y a rien à payer, ça a été déjà fait. Le prix a été payé, pas par moi, mais par quelqu'un, Jésus-Christ. Et c'est de Jésus que je suis venu vous parler ce matin. Plus particulièrement, de l'œuvre qu'il a accomplie pour vous, pour moi, pour chacun de nous. À la lecture de ce passage, on peut remarquer deux règnes. Le règne de la mort et le règne de la vie. Le règne de la mort par le péché et le règne de la vie par Jésus-Christ. On peut aussi voir que toute l'humanité a été exposée à ces deux règnes, tant pendant celui de la mort que pendant celui de la vie. Ainsi, nous nous posons, moi je me suis posé une série de questions. Entre autres, comment s'est manifesté le règne de la mort? Comment s'est manifesté le règne de la vie sur l'humanité? Comment est-on passé d'un règne à un autre? Et le message d'aujourd'hui aura pour but de répondre à ces différentes questions. Bien avant, on va partir du début, là où tout a commencé. Mais avant de donner le contenu de mon message, je voudrais donner le plan. Mon message est né en trois parties. La première partie, c'est la situation de l'homme avant la croix, donc le règne de la mort. La seconde partie, c'est la Pâque. Et la troisième partie, c'est la situation de l'homme après la croix, donc le règne de la vie. Commençons donc par le début, là où tout a commencé. Je répète, nous sommes pendant le règne de la mort. Création de Dieu. Lorsqu'on lit Genèse, on voit que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. Le premier jour, Dieu appela le jour et la nuit. Le second jour, Dieu appela l'existence le ciel. Le troisième jour, Dieu appela à l'existence la terre et ce qu'elle contient, ainsi que la mer. Le quatrième jour, Dieu appela à l'existence les luminaires et les étoiles. Le cinquième jour, Dieu appela à l'existence les oiseaux, les poissons et les animaux terrestres. Après tout cela, la Bible dit, après tout cela, Dieu vit que c'était bon. Le sixième jour. Dieu créa l'homme le sixième jour. Et encore la Bible dit, après cela, Dieu vit. Et il dit que cela était très bon. Après le cinquième jour, Dieu vit que cela était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, après cela, il vit que c'était très bon. Donc on voit que ici que Dieu, l'œuvre que Dieu a accomplie était parfaite, était excellente. Mais il y a eu un événement qui a entraîné, qui a causé, qui a corrompu cette œuvre parfaite. Il s'agit de ce que j'appelais la déchéance de l'homme. On est toujours dans Genèse. Et Dieu a donné un commandement à l'homme. Et les conséquences de cette désobéissance seraient la mort. Pourtant, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le mot péché. C'est quoi le péché? Dans Romains, lorsqu'on prend Romains, dans le passage que nous venons de lire, le terme péché utilisé par l'apôtre Paul est tiré du mot grec armateia, qui signifie faire ce qui est mal, désobéir à la loi divine, en pensée comme en acte, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, s'éloigner de Dieu, être rebelle à Dieu, ne pas se soumettre à Dieu. Donc, de façon résumée, le péché, c'est refuser de se soumettre à Dieu c'est refuser de vivre selon Dieu. On continue. Maintenant qu'on a éclairci un peu la notion de péché, on voit que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Donc ils ont péché contre Dieu. Ils ont refusé de se soumettre à Dieu. La conséquence a été la mort. Encore une fois, c'est quoi la mort? Je prends toujours le mot grec utilisé par Paul. C'est le mot thanatos, qui veut dire mort spirituelle, qui inclut toutes les misères causées par le péché, une vie non consacrée à Dieu, la misère de l'enfer. Ainsi, la conséquence a été. Ainsi, la conséquence a été la séparation d'avec Dieu, car après qu'ils aient mangé le fruit défendu, Dieu dit à l'homme, où es-tu? Imaginez cela. Avant cet événement, qu'est-ce qui se passait? Dieu était en communion parfaite avec l'homme. La Bible dit que Dieu discutait avec l'homme. Ils étaient un. Mais suite à cela, Dieu a dit à Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où était Adam? Bien sûr que oui. La Bible, il est homme, il sait tout et il est partout en même temps. Mais lorsqu'il dit, où es-tu, Adam? Il voulait dire, en quelque sorte, Adam, où es-tu? Par rapport à la relation qu'on avait ensemble. Adam, où es-tu? Par rapport à la communion qu'on avait ensemble. L'homme s'est donc éloigné de Dieu. Toutefois, Dieu prit la peau d'un animal pour couvrir l'homme. Et cela était l'annonce ou la préfiguration de quelque chose de plus grand. Ainsi, par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité, a corrompu la création bonne de Dieu à un tel point que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme à cause du péché. Le péché ici, c'est comme une maladie qui, dès qu'elle entrait dans l'humanité, a infecté tout homme. À cause du péché. Le péché est, comme je l'ai dit, une maladie mortelle. Oui, une maladie mortelle qui a infecté toute l'humanité. Selon Romains 6, 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais d'abord, j'aimerais insister sur le premier aspect. Le salaire du péché, c'est la mort. Vu sous cet angle-là, on peut dire que tous les hommes ayant été corrompus par le péché sont condamnés, des condamnés à mort, soumis à la mort. L'homme était non seulement esclave du péché, mais aussi dominé par la mort. Il était incapable de plaire à Dieu par lui-même et s'éloignait de plus en plus de son Créateur. Voici comment la mort a régné sur l'homme. Voici le règne de la mort. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu a apporté une solution dans son amour, dans sa richesse infinie. Il s'est lui-même levé pour sauver l'homme. Et

d'une nouvelle chose. C'est comme une sorte de nouveau départ. Donc la Pâque était pour les Juifs un nouveau départ. Ils devaient prendre un agneau mâle, sans défaut. Sans défaut. L'agneau sera tué et son sang sera mis sur les montants et sur les poutres des maisons des Juifs. Donc le sang de l'agneau, en quelque sorte, couvrira ces maisons. Dieu jugera l'Égypte et tous ses habitants ne seront point épargnés, même les animaux. Mais le jugement de Dieu ne s'abattra pas sur les maisons où il y avait le sang de l'agneau. Je précise, le sang de l'agneau. Ainsi, à cause du sang de l'agneau, les Juifs furent épargnés quand Dieu a jugé l'Égypte. Toutefois, cela fut une nuit temporaire, momentanée, ponctuelle, marquée dans le temps. Donc c'est là les aspects que je voulais faire sortir de la Pâque des Juifs. Et l'autre aspect qui est très très important, c'est que ce fut une initiative de Dieu. Ce n'est pas Moïse ou Aaron qui sont allés dire à Dieu. Non, c'est Dieu, selon le conseil de sa volonté, qui lui-même a dit à Moïse et Aaron, voici les instructions pour que vous soyez épargnés par mon jugement. Et je reviens sur le mot sang de l'agneau. Ils ont été épargnés pas à cause de leurs œuvres, mais à cause du sang de l'agneau. Imaginez si un juif n'avait pas mis ce sang-là sur sa maison, il n'allait pas être épargné. Mais parce qu'ils l'ont fait, ils ont été épargnés. Donc, j'aimerais parler de l'importance du sang. Selon Hébreux 9, 22, il est écrit, « Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. » De plus, comme on vient de le voir, Dieu a épargné les Juifs à cause du sang de l'agneau. Ainsi, le sang occupe une place importante dans le pardon du péché, dans le salut. Dieu a donné comme instruction à son peuple de lui offrir des sacrifices. Donc, faire des sacrifices implique tuer des animaux. Tuer des animaux implique verser du sang. Et cela pour le pardon des péchés des Juifs. Mais tous ces sacrifices étaient limités, inefficaces, impuissants contre la mort. Dans la mesure où ils ne pouvaient jamais enlever les péchés, donc les couvraient. Ces sacrifices ne pouvaient pas mettre fin au règne de la mort en enlevant le péché. Car pour mettre fin au règne de la mort, il fallait enlever le péché. Mais ces sacrifices n'enlevaient pas, juste couvraient. Mais toutefois, ces sacrifices annonçaient, étaient la préfiguration de quelque chose de plus grand, de parfait. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Je l'avais dit dans Genèse, Dieu a tué un animal et il a pris sa peau pour couvrir l'homme. Et là, on le voit que ces sacrifices-là préfiguraient une de l'agneau parfait de Dieu, qui est Jésus-Christ. Car comme le dit Jean 1, 29, lorsque Jean-Baptiste le vit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il ne couvre pas, mais il ôte le péché. Les sacrifices traitaient le mal à la surface. Mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il allait à la racine et il traitait le mal à partir de la racine. Ainsi, Jésus-Christ à lui tout seul remplace tous les sacrifices que la loi demandait. Selon Éphésiens 1:7, le sang de Jésus nous rachète. Il paye le prix pour nos péchés, nos fautes. Jésus-Christ a donc mis fin au règne de la mort. Il a enlevé le problème, c'était le péché, mais il a enlevé le péché. Il a résolu ainsi le problème de la mort. Il a mis fin au règne de la mort. Il nous a libérés du péché. Il a brisé les chaînes de l'esclavage. Et un autre aspect important à retenir, c'est que on dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est un agneau qui vient de Dieu. Les sacrifices, ce sont les hommes qui apportaient à Dieu. Mais là, c'est Dieu lui-même qui donne. Ça sort de lui. Ça vient de lui. L'agneau parfait. Et qu'est-ce que Jésus a donc fait? Comment a-t-il mis fin? C'est vrai, on l'a dit, mais qu'est-ce qui symbolise nous, pour nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui symbolise la fin du règne de la mort? C'est la croix. C'est la croix. Car pour ceux qui sont sauvés, la croix est la puissance de Dieu. Pourquoi puissance? Eh bien, par la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la croix, ce qui nous condamnait a été effacé, a été annulé. Par la croix, Christ a triomphé des ténèbres. Nos péchés ont été portés par Jésus à la croix et cela nous donne la vie. Par la croix, nous sommes guéris. Ainsi, la croix est la puissance de Dieu manifestée pour notre salut. Ainsi, Christ, Jésus-Christ, a mis fin au règne de la mort. Après, qu'est-ce qu'il y a? Nous débouchons maintenant à la troisième partie, qui est la situation de l'homme après la croix, qui est le règne de la vie. Quel est donc l'état de l'homme après cela? Eh bien, par Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Par Christ, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Par Christ, la mauvaise semence qui était en nous, qui était introduite par le péché, l'infection causée par le péché, a été enlevée, a été remplacée par une semence parfaite, par la semence de Dieu. Une semence incorruptible, comme le dit 1 Pierre 1, 23. Et nous avons une espérance que nous aurons un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps spirituel. Nous porterons l'image de Jésus. Notre corps corruptible et mortel revêtira l'incorruptible et l'immortalité. Nous sommes assis. Éphésiens 2:6 dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ. Non, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça le règne de la vie par Jésus-Christ. Et comme le dit 1 Corinthiens 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue. La mort a été vaincue par Jésus-Christ. Et tout au long de ce des trois parties que j'ai développées, on voit que du règne de la mort au règne de la vie, Jésus-Christ du règne de la mort par le péché au règne de la vie par Jésus-Christ, nous pouvons voir la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, sa compassion, sa grâce et sa bonté. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ au prix de son sang. Nous lui appartenons donc. Nous devons vivre pour lui. Jésus-Christ doit être notre principal. Il doit être notre focus, notre but, notre quête. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui et vivre pour lui. Amen. Combien? 30. Wow. Je pensais que j'avais fait une heure. Ok.